Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, il est Allah, l'un, Allah, le prime ultime. Il n'a pas engendré, ni n'a été engendré, et nul n'est son égal.